Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 136. Bienvenue à toi dans ce monde archimfoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 9 novembre 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine dans Panique au Mangin Palace, tu es une grosse édition spéciale consacrée au triomphe de Barack Obama qui laisse désormais le champ libre à toutes les utopies, y compris en France. Monsieur Sankaré, vous êtes français d'origine sénégalaise et vous êtes le noir qui occupe le poste le plus élevé en France. Est-ce que vous êtes, rappelez-nous ? Je suis chef de rayon chez Picard. Chef de rayon, dingue, hein ? Ah oui, j'ai deux rayons sous ma responsabilité, le poisson et la viande. Impressionnant. Comme quoi, les Noirs aussi peuvent réussir dans la société française. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu découvres ici une autre version des élections américaines. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque pour célébrer la victoire de l'esprit du mouvement des droits civiques qui favorise bien entendu notre communion laïque au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeuse cérémonie. Eh bien, pêle-mêle, nous écouterons comment les leaders socialistes comptent bien récupérer l'esprit du Chicago d'Obama pour organiser leur congrès de Reims le week-end prochain. Ben voyons. Et puis, tu découvriras quelles ont été les difficultés d'être un journaliste français à New York pour couvrir l'événement de ce début du siècle. Ensuite, nous assisterons au combat de boxe qu'ont organisé les fantômes de l'INA mardi dernier entre l'éléphant républicain et l'âne démocrate. Dans la foulée, direction Grosboul-les-Bains, où nous te raconterons comment Monique et Jean-Claude ont eu une poussée de fièvre obamesque dans la nuit de mardi à mercredi. Et juste après, nous t'offrirons les pérégrinations électorales et nocturnes de notre facétieux reporter qui s'est trimballé toute la nuit dans les rues de Paris mardi dernier. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces actualités américaines, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et explose la baraque à frites McCain. In the club with my homies, trying to get a little VI, keep it down on the low key. She know how it feels. I started shorty, she was checking up on me. From the game she was singing in my ear, you would think that she knew me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. Hey. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out. Oh, watch out. She's saying, come get me. Come get so me. I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. When I let's told go. Her, I said, with me, she's ready to leave, well, let's go. And I gotta keep it real now, cause on the 1 to 10, she's a certified 20, but that just ain't me, hey, cause I'm